L'actualité à Nancy et ailleurs. Un week-end de gourmands nous attend les 29 et 30 septembre à l'espace Chaudeau de Ludres. Laurine Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour la Lorraine, notre signature qui porte ce projet, qui n'en est donc pas à sa première édition, je crois. Exactement. Cette année, on passe à la deuxième édition du week-end gourmand des savoir-faire lorrains. Parlez-nous un peu de ceux qui organisent ce rendez-vous, la Lorraine, notre signature. Alors, la Lorraine, notre signature est une démarche régionale qui a pour but de valoriser les entreprises et notamment le savoir-faire lorrain autour de l'agroalimentaire, mais aussi des produits cosmétiques, de tout ce qui est horticulture et métiers d'art. Elle existe maintenant depuis 2006 et elle représente à peu près 87 entreprises lorraines et 50 distributeurs. Voilà, donc ça concerne un très grand nombre de produits. Plus de 1700 produits aujourd'hui sont agréés la Lorraine notre signature, en effet. Ce grand week-end gourmand et des savoir-faire lorrains, ça se passe donc à l'espace Chaudeau de Ludres les 29 et 30 septembre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place? Une quarantaine, je crois, d'exposants seront présents. Oui, alors normalement 44 exposants seront présents, mm-hmm. avec vraiment de grandes quantités de produits, de la charcuterie, de la bière, de la limonade, des savons, mais aussi de la céramique, des bonbons, etc. Il y a vraiment un large panel de produits. Qu'est-ce que ça représente pour tous ces exposants de participer à un tel rendez-vous? C'est une vitrine pour le producteur, mais aussi de permettre de valoriser leur savoir-faire auprès du grand public pour vraiment mettre en avant leurs produits, leur savoir-faire et puis d'être connu auprès du grand public. Comment ça avait été perçu l'année dernière, cette première édition? Cette première édition avait été vraiment très très bien perçue, tant du côté des producteurs que du consommateur. Ça a vraiment eu un réel succès puisqu'il y avait eu plus de 4000 visiteurs sur 2 jours. Le résultat est satisfaisant. Il y a donc des exposants qui présentent leurs produits. Qu'est-ce qui se passe d'autre sur place lors de ce week-end? Eh bien, le samedi, aux alentours de 11h, il y aura donc la remise des prix du concours Innoval. Donc en fait, Agria Grand Est, qui chapeaute la Lorraine notre signature, met en place tous les 2 ans un concours de l'innovation, où là, il y aura 4 prix qui seront décernés pour cette 6e édition. Donc là, ce sera vraiment un événement atypique pour mettre en avant les innovations lorraines. Et en parallèle, le dimanche, il y aura des démonstrations culinaires et des jeux concours sur les 2 jours. Pour revenir sur le concours, quel type d'innovations seront présentées? Le concours Innoval est vraiment spécifié, réservé aux produits agroalimentaires uniquement. Et donc le dimanche, des démonstrations? Oui, des démonstrations culinaires qui seront donc orchestrées par Julien Bourin et Sandrine Schweitzer, qui sont parrain et marraine du salon et qui ont participé à l'émission Meilleur pâtissier sur M6. Du côté des horaires, c'est 10h-18h sur les 2 journées, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Et l'entrée est totalement gratuite? Oui, l'entrée est totalement gratuite, exactement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver des infos concernant ce week-end, si on veut en savoir Alors, plus? Alors, sur notre page Facebook, la Lorraine Notre Signature, où on communique beaucoup, notamment aussi sur Instagram. Et puis, également, nous allons mettre des affiches vraiment pour communiquer sur l'événement. Merci à Laurine Bernard qui nous présentait le week-end gourmand et des savoir-faire lorrains qui va se dérouler les 29 et 30 septembre prochains à l'espace Chaudeau de Ludres. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.